Commencer se dit... Comenzar. Comenzar ou empezar. Alors, avec le verbe empezar, j'ai commencé, sans plongeoir, c'est... Empecé. D'accord. Et à quelle heure est-ce que vous, usted, avez commencé? Toujours sans plongeoir. A qué hora empezó? C'est ça. A qué hora empezó? Et je suis sorti, sans plongeoir. Salgo. Salgo veut dire je sors. Je suis sorti. Salgué. Salgui. Quel est le verbe? Salir. Salir, hein? C'est ça. Sali. Bien sûr, hein? Sali. Oui, hein? Et si vous voulez dire je sors, ça serait? Salgo. Salgo. Et il sort? Sale. D'accord, sale. Et comment direz-vous, à quelle heure est-ce que vous sortez? Vous posez la question à ustedes. A qué hora salen? Bien, a qué hora salen? Et à quelle heure est-ce que vous, hein, usted, êtes sorti? Au passé, sans plongeoir. A qué hora salió? C'est ça, hein? A qué hora salió? A qué hora salió? Je n'ai pas mangé, sans plongeoir. No comí. D'accord, no comí. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas mangé? Vous posez la question à usted. ¿Por qué no comió? Encore une fois. ¿Por qué no comió? Bien, ¿por qué no comió? Donc, à la forme simple du passé espagnol, le passé sans plongeoir, c'est normalement la terminaison sur laquelle on insiste. ¿Por qué no comió? Et je vous ai appelé hier, toujours au passé sans plongeoir. Les llamé, oui, d'accord, hier. Ayer? Ayer, tout à fait. Les llamé, ayer. Et à quelle heure est-ce que vous, usted, m'avez appelé? Toujours sans plongeoir. A qué hora me llamó? Encore une fois. A qué hora me llamó? A qué hora me llamó? Hein? Bien. A qué hora me llamó? Et comment direz-vous, toujours à usted, je vous appelle demain? Le llamo mañana. C'est ça. Hein? Le llamo mañana. Et il vous appelle. Le llama. Bien. Hein? Le llama. Hein? Les llamas. Les llamas. Les llamas, hein, d'accord. Et il m'a appelé, au passé sans plongeoir. Me llamé. Ah, ça serait je me suis appelé moi-même. Ok, me llamo. D'accord, hein, alors encore une fois. Me llamo. Me llamo. Hein, me llamo. Hein, il m'a appelé. Et pourquoi est-ce que vous, usted, ne m'avez pas appelé? Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas appelé? Et là encore, au passé sans plongeoir. Por qué no me llamo? D'accord. Por qué no me llamo? Por qué no me llamo? Et je vous ai écrit, sans plongeoir. Escrit les... Réessayez. Les escribí. C'est ça, hein? L'escribí. Et il m'a écrit, sans plongeoir. Me escribió. D'accord, me escribió. Hein? C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas écrit? Toujours sans plongeoir. ¿Por qué no me escribió? Bien, ¿por qué no me escribió? Hein? Et comment direz-vous, je l'ai vu? Au passé sans plongeoir. Voir se dit... Ver. Ver. Alors, j'ai vu, sans plongeoir... Vi. Voyons, notre R de cha-cha-cha, pour les verbes en R comme ver, c'est... E, o, i, e, yo. Alors, pour les verbes en R, c'est I et IO. Voilà, hein, c'est ça. Donc, j'ai vu, au passé, simple joueur, ça sera... Bi. C'est ça, bi. Hein, bi, tout simplement, V-I. Hein. Donc, je l'ai vu, ça sera... Lobby. Lobby, hein, d'accord. Et je ne l'ai pas vu, toujours au passé simple joueur. No lobby. No lobby. Et est-ce que vous l'avez vu? Vous posez la question à usted, hein, sans plongeoir. Lobio. D'accord. Lobio. Hein, lobio. Et je ne l'ai pas compris, sans plongeoir. No lo comprendi. C'est bien. Hein, no lo comprendi. Ou bien... No lo entendi. No lo entendi. Hein? D'accord. No lo entendi. Donc, on a e-e-o-i-e-i-o. E-e-o-i-e-i-o.